Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir, d'avoir les fesses en l'air. L'avion est détourné, détachez vos ceintures, libérez vos complexes, tenez-vous par l'index, surveillez. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir, d'avoir les fesses en l'air. L'avion sommes en altitude, perdez vos habitudes, changez vos attitudes, tout le monde se dénude, fini la servitude. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, toute ma vie j'ai rêvé de ne plus jamais passer par les bas et les hauts de notre petite terre. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir, d'avoir les fesses en l'air. Fini le pilotage, mais vive le pelotage. Fini le décollage, mais vive le collage. L'avion est toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir, d'avoir.